بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، continue avec la biographie du prophète Mohammed عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Et la semaine dernière, on s'était arrêté avec la correspondance avec les rois, donc les différentes lettres et les messages que le prophète alayhi salatu wa salam avait envoyé aux différents gouverneurs et aux différents rois. À la kulli hal, on s'était arrêté avec la première lettre qui était envoyée à Caesar, à César, Héraclius premier, si on veut, empereur de Rome. À la kulli hal, je veux faire juste une petite marche arrière rapidement et parler de la bague du prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim. On avait dit qu'elle lui servait de cachet. Donc c'était une sorte de cachet, yani, qu'il utilisait pour marquer, ou en guise de signature, pour marquer les différents courriers, etc. Et donc ici, j'avais rappelé qu'il y avait écrit dans la lettre, d'après les récits prophétiques authentiques qu'on avait cités, qu'il y avait écrit plutôt sur le cachet, il y avait écrit « Muhammadun Rasulu Allah ». Lakin au-dessus, c'est-à-dire en haut, la première ligne, il n'y avait pas écrit « Muhammadun », mais il y avait écrit « Allah ». En dessous, il y avait écrit « Rasul » et « tout en dessous, ou on va dire la ligne la plus basse ici, ou en bas de la du cachet, il y avait écrit Muhammadun. Donc il y avait en bas Muhammadun, au-dessus Rasulu et au-dessus Allah, car il ne convient pas de mettre un autre nom au-dessus d'un autre, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus d'un autre nom. Donc ala kulli hal, ici ça fait partie des bienséances envers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala que de mettre le nom d'Allah azza wa jal au-dessus de notre nom si il y a lieu de le faire, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Donc il n'a pas mis Muhammad au-dessus d'Allah, mais il a bien mis Allah au-dessus de Muhammad. Ala kulli hal, c'était une petite parenthèse que je voulais signaler. Et je vous avais dit qu'on allait s'arrêter ici, tout simplement en citant, et ici le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. On va citer le style du prophète alayhi salatu wassalam, la manière ici qu'utilisait le prophète alayhi salatu wassalam pour rappeler à cette religion qui était l'islam. Et ici, je vais vous lire simplement selon récit prophétique authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et on va s'arrêter avec les quelques morales, incha'Allah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc il a adressé sa lettre et il a commencé par Bismillahirrahmanirrahim. Et comme disent les ulama rahimahumullah jami'an, ici il ne convient pas de commencer n'importe quel livre si ce n'est avec quoi le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que bi'idnillahi azza wa jal il y ait ne serait-ce qu'un minimum de baraka dans ce livre ou dans ce message qu'on veut passer. Amma, quand on commence un livre, surtout qui a trait à la religion, et qu'on commence pas par bismillah ou bien bismillahirrahmanirrahim, ceci ne convient pas et ça ne fait pas partie ici des pratiques religieuses qui ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam ou de as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Lettre de Muhammad, min Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Et on avait rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam, contrairement à Sulh al-Hudaybiyah, la réconciliation d'al-Hudaybiyah dans ce pacte-là, le prophète a marqué clairement et a rappelé clairement que c'était Muhammad alayhi salatu wassalam, ici l'envoyé d'Allah Azza wa Jal. Donc il était bien envoyé d'Allah Azza wa Jal. Le serviteur et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à Héraclius. Donc il dit Abduhu wa Rasuluh. Pour rappeler que quoi? Abduhu, que c'est un serviteur. Pas d'exagération comme ils l'ont fait envers Isa ibn Maryam alayhi salam, comme ils ont fait avec Isa alayhi salam. C'est-à-dire qu'ils ont tellement suivi et aimé Isa alayhi salam, ils sont tombés dans le rouleau, l'exagération. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Abadu Isa alayhi salam. Ils ont adoré Isa alayhi salam. Walidha naqul Abduhu wa Rasuluh. Regardez, pour rappeler que quoi? Nous, Mohammed, on l'adore pas. Al-ibadah lillahi wahdah. C'est simplement pour Allah Azza wa Jal, l'adoration. On adore qu'Allah Azza wa Jal, même pas le prophète, même pas n'importe quel autre prophète. Abduhu, thumma wa rasuluh. Ensuite, et son envoyé, pour rappeler que c'est quand même Ar-Rasul, alayhi salatu wassalam. Donc, il mérite un minimum de respect et d'amour. Un minimum d'amour veut dire l'aimer plus que ses parents, ses enfants, sa propre personne et l'ensemble des gens, alayhi salatu wassalam. À qui? Héraclius, empereur de Rome. Que la paix soit sur ceux qui suivent la voie droite. Le prophète alayhi salatu wassalam, regardez le style, il dit salamun ala man ittaba' al-huda. Que la paix ici soit sur ceux qui suivent la voie droite, accepte de te soumettre, embrasse l'islam et Allah te récompensera deux fois. Si tu te détournes et refuses, tu porteras les péchés des Romains. Écoutez, dis. Et ensuite, il cite les versets coraniques aux gens du livre. Convenons les uns des autres de ce point commun entre nous, à savoir, ne d'adorer qu'Allah Azza wa Jal seul, ne n'adorer qu'Allah Azza wa Jal seul, sans lui adjoindre d'associés, de ne pas nous prendre les uns des autres pour divinité en dehors d'Allah, S'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins qu'à Allah seul nous nous soumettons. Khalas, intaha al-kalam. Pas plus. Regardez le prophète alayhi salatu wasalam. Il rappelle que quoi? Les meilleures des paroles et souvent les plus efficaces, ce sont ceux qui sont le plus clairs, le plus explicites et quoi encore? Les plus courtes. C'est pour ça qu'il n'est pas demandé que ça soit même dans, par exemple, al-khutab, lors des sermons du vendredi, de, comme le prophète alayhi salam a dit, de quoi? De prolonger trop le sermon du vendredi. Pourquoi? Parmi al-hikam, parmi les sagesses, c'est quoi? C'est que les personnes, déjà, premièrement, ça va être peut-être trop lourd pour eux. Pourquoi ça va être trop lourd pour eux? Contrairement à un cours, par exemple, un dars, par exemple, mathalan. Ou alors une muhadara, une conférence. Est-ce que le prophète alayhi salam, il a recommandé quand on fait une exhortation, ou une conférence, ou un dars, d'accord, de faire un cours par exemple, de que le cours soit très court? Ou est-ce qu'il a recommandé ici que le cours soit, ou alors l'exhortation soit courte pendant le sermon du vendredi? Pendant le sermon du vendredi. Pourquoi? Parce que quand il y a un cours ou une muhadara, une conférence, en général ce sont ceux qui sont plus investis que l'ensemble des musulmans. D'accord? Parce qu'ils cherchent, c'est pas obligé pour eux. Le dors c'est obligé ou pas? C'est pas obligé. Donc ici c'est des gens qui sont un peu plus investis. Ils sont capables de patienter plus. Tu peux approfondir plus dans la science. Amma, quand tu fais al-khutbah, khutbatul jumu'ah. Ici, quand tu fais le sermon du vendredi, il y a l'ensemble des gens ici. Tu vas trouver des gens qui sont très peu investis, des gens qui sont, yani, très, très investis. Il y a des gens qui comprennent très peu la religion. Il y a des nouveaux dans la religion. Il y a des gens qui ont beaucoup de science. Il y a tout type de personnes. Il y a beaucoup de niveaux. Donc c'est pour ça que quoi? Pour ramasser ici, ou alors pour que ici l'exhortation touche tout le monde, il faut qu'elle soit claire, explicite et courte, pour pas que ça pèse trop pour les gens. D'accord? Deuxième des raisons, pourquoi le prêche du vendredi doit être court et explicite et clair. Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Pour que les gens, ça ne soit pas trop pour eux, ou il n'y a pas trop d'informations à retenir d'un seul coup. Si tu fais, ici tu traites un sujet, at-tawba. Est-ce que tu peux faire plus de 3 conférences? Tu peux faire plus de 3 conférences, 4 conférences. Tu peux faire une série sur At-Tawba, sur le repentir, citer des histoires de repentir. Tu peux. Lakin ici, le but c'est quoi? C'est que ici, ça touche le cœur des gens. Ça soit une exhortation, une piqûre de rappel. On stimule ici la foi du croyant et de la croyante. On motive le croyant et la croyante d'approfondir ses connaissances à travers les cours et les exhortations. Et c'est pour ça que ça doit être quoi? Clair, explicite. Et bref, lakin, il faut avoir un style particulier comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a eu lors des conférences. Regardez, le prophète c'était clair, explicite, complet, mais il haussait le ton. Il devenait rouge alayhi salatu wasalam, et lui il était où? Ala al-mimbar, sur le mimbar. D'accord? Pour exhorter les gens, car c'est un moment où c'est court, lakin il faut que ça aille, que c'est de l'impact. Il faut pas que les gens s'endorment, ou alors que tu prends une feuille et tu restes lire comme ça tout doucement, mais il faut donner le ton, et il faut capter les gens, canaliser les gens. Ici, essayer de te mettre au niveau, وَنُنَزِّلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ كَمَا قَالَ الْعُلَمَا, au niveau de tout le monde à peu près. Donc il faut approfondir la science, mais pas trop, sinon il y a d'autres qui vont pas comprendre. D'accord? Il faut pas que ça soit un niveau très très faible aussi, sinon il y a des gens qui ont déjà un certain niveau de science, ça va être quoi? Trop lourd pour eux. Il y a des gens, toi, et surtout l'imam, se doit de savoir un peu les problèmes qui se passent dans la ville, pour qu'ils sachent quel sujet traiter. Car nous, on ne peut pas traiter un sujet qui n'a rien à voir avec la réalité, al-waqi' des choses. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Al-mimbar le vendredi, c'est pour exhorter les gens et toucher les gens dans les maladies qui touchent la communauté, surtout dans l'endroit où? Dans l'endroit où tu vis. Surtout dans l'endroit où? Dans l'endroit où tu vis. Et donc, il faut toute une quoi? Une méthodologie. Une méthodologie. Savoir comment être dur, à quel moment être dur, par quoi commencer. Est-ce qu'on commence par At-Tawhid? Est-ce qu'on commence par An-Nar? Est-ce qu'on commence par Al-Jannah? Est-ce qu'on commence par Usul Al-Fiqh? Est-ce qu'on commence par Al-Fiqh? Est-ce qu'on... Yani, il faut une méthodologie. Et de façon générale, on commence toujours par quoi? At-Tawhid. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pourquoi on va commencer par autre chose alors que tu dois... Si la personne elle fait zina, si la personne elle vole, si la personne elle trahit, si la personne... Et s'il meurt, est-ce qu'il peut aller au paradis? Naam. Est-ce qu'Allah peut lui pardonner? Oui. Mais Allah Azza wa Jalla a donné une promesse. Celui qui meurt, et qui fait shirk, il est mort en état d'association. Man mata wa la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah kama qala alayhi salatu wassalam fi as-sahih Muslim. Wa man mata la yushriku bihi shay'a دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. Celui qui meurt et qui associe quoi que ce soit, il est en enfer. Celui qui meurt, il n'associe rien, il est au paradis. Comme le prophète alayhi salam a dit. Donc on commence par At-Tawhid. Ensuite on commence par quoi? On va commencer par la jurisprudence, on va faire un cours de zakat, on va faire un cours sur le jannah, on va faire un cours sur le nar. Il faut allier entre les deux choses. C'est quoi? Al-raqa'iq, tout ce qui concerne l'attendrissement des cœurs, parce que les gens aiment bien ça. Tu parles de nar, tu parles de jannah, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles de... Et de temps en temps, non, il faut des cours assez académiques qui touchent à quoi? Aux règles de jurisprudence. Pourquoi? Les règles de jurisprudence, al-fiqh, tu le traites pas sur le mimbar. Mais quand tu vois que ici les gens n'assistent plus aux cours, et la plupart des gens, des musulmans, ils sont devenus yani ignorants. Il y a beaucoup de quoi? De jahil dans la communauté. Surtout dans les piliers de l'islam. As-salah, as-zakat, as-siyam. Ils connaissent même pas comment faire as-zakat, donner zakat. Alors que ça c'est un pilier, rukn min arkan al-islam. Et celui qui meurt alors qu'il a délaissé zakat, il y a quoi? Il y a un wa'id shadid min Allah azza wa jalla, il y a une menace très dure de la part d'Allah azza wa jalla concernant celui qui est mort et qui a pas donné zakat. Il sera tourmenté dans quoi? Fi qabrihi, dans sa tombe, wal iyad billah. Donc est-ce que ici il y a un intérêt de parler de zakat sur le minbar? À la base, c'est pas le minbar. Lakin comme les gens ont délaissé les mosquées et les cercles d'invocation et d'évocation, on le traite sur le minbar. Donc de temps en temps, c'est des cours qui sont un peu durs ou un peu lourds, mais tu es obligé. Et de temps en temps, pour équilibrer, khlas, parle de nar, parle de l'jannah, les gens aiment bien. Mais c'est pas tout le temps nar, jannah, nar, l'jannah, nar, l'jannah, il s'est même pas donné de zakat. Ouais, il y a une méthodologie. Donc de temps en temps, alhamdoulilah, fais monter l'iman, et de temps en temps, parle des cours qui ne font pas, dans tous les cas, monter de la foi à l'iman, lakin, mais qui t'apprennent des choses. Tu apprends, alhamdoulilah, tu sais comment donner de zakat, tu sais comment ici faire le pèlerinage, tu sais qu'est-ce qui annule les ablutions, comment faire les ablutions. De temps en temps, tu es obligé. Ou alors, rentrer dans les détails concernant le fait, yani, les conditions du repentir, les choses comme ça. Yani, des choses qui t'apprennent des choses. D'accord? Des sujets plutôt qui t'apprennent beaucoup de choses pour pouvoir vivre avec et ne pas tomber dans l'égarement. Clair? Donc ici, on doit allier entre les deux autres. À la kulli hal, on revient à la lettre du prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez ici. Est-ce que moi, ici, je peux me permettre de m'arrêter simplement sur le fait que le prophète, il a fait une lettre courte sur le mimbar et rappeler, voilà comment l'imam doit prêcher, etc. On peut pas. Tandis qu'ici, on peut se permettre. On peut prendre 20 minutes, un quart d'heure. Pourquoi? On a le temps. C'est plusieurs cours. Vous avez vu. Donc à la kulli hal, j'aurais pu continuer une heure sur ce sujet, mais on revient sur ce sujet-là. Donc ici, le prophète, il a parlé de façon très... très court, très bref, même dans la vie personnelle qui n'a rien à voir avec la religion. Quand tu es dans des affaires, dans du commerce, dans quoi que ce soit, est-ce que les gens, ils aiment bien que tu les endormes? Même un commerçant, ils aiment pas. Même quand tu veux t'exprimer, même quand tu veux parler à quelqu'un, les gens n'aiment pas, tu restes parler deux heures pour faire comprendre une chose. Parle clairement, viens droit au but, ça, clair. Donc les gens, ils aiment bien que ça soit quoi? Que, yani, ça ne soit pas pesant, ça ne soit pas lourd, mais ça soit des paroles qui sont riches. Une parole qui est riche, une phrase qui est composée, qui est riche, qui a un sens très clair, qui est explicite, qui est brève, mais qui est complète. C'est les meilleures des paroles, les meilleures des exhortations, c'est cela. Et que quelquefois tu donnes le ton, tu n'endors pas ici l'assemblée. Surtout dans la religion. Dans la religion, moi, à titre d'exemple, quand je fais des prêches du vendredi, je sais très bien que quelquefois je vois un peu tout le monde. Je vois, bien que nous on crie et que les baffes, mashallah, ça réveille tout le monde. À la kulli hal, je vois quelquefois, ça arrive dans toutes les mosquées. Tu vas même à Mecca, tu mets un grand savant, tu vas voir des gens, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de dormir, mashallah. Là, quelquefois je vois ça, je crie un peu plus fort, hein, je le vois, il se lève. Wallah, je veux rigoler quelquefois. Alors je suis sur le mimbar, hein, je vois, il se rêve. C'est pas parce que Zahma, il a entendu l'imen, il a monté. C'est, il a entendu ses oreilles, il a mal. Donc ici, quelquefois, on doit mettre le ton, c'est comme ça. Pour pas endormir, imagine, je fais un cours. Donc maintenant, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti, il a fait Umratu al-Qadha, pourtant, c'est la même chose. Mais quand on dit le prophète, alayhi salatu wassalam, imagine-toi, il est revenu, et ils ont fait talbiya tous ensemble, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, alors qu'on les avait refusés, et on leur avait interdit de faire l'umra une année après, le prophète les a, ici, motivés, leur a dit, venez, maintenant on peut aller faire umra tout le qada, et tous les compagnons, ils sont partis pour adorer Allah azza wa jalla. C'est pareil ou pas? Ici, il faut avoir un style quand on exhorte les gens. C'est peut-être pas donné à tout le monde, faut pas être un grand savant, lakin, même dans ta vie personnelle. Car nous, la religion nous sert pour quoi? Pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, pour pouvoir vivre heureux, ici-bas aussi, ici-bas et dans le delà, pour pouvoir faire un commerce bénéfique, pour pouvoir vivre de façon heureuse avec notre épouse, pour pouvoir éduquer nos enfants comme il se doit, pour pouvoir vivre dans la société comme il se doit, pour pouvoir se comporter bien avec les musulmans et les non-musulmans. Donc ici, toutes les exhortations qu'on prend, ça nous sert pour din, la religion, et pour ad-dunya. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Donc quand toi tu fais du commerce, quand tu parles avec des gens, quand tu parles avec des frères, ne sois pas lourd. Sois explicite, sois clair, sois bref, c'est ce que les gens aiment. Et quand tu exhortes les gens dans la religion, c'est ce que les croyants et les croyantes aiment et ont besoin, et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, et c'est ce que le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim a fait. Amma concernant les détails dans la religion, bien sûr que même si quelquefois les gens vont parler clairement et vont mettre le ton, il y a des gens qui vont dormir. Ala kulli hal, ça c'est pas de ta faute. Toi tu as fait les causes comme il fallait pour exhorter les gens. Mais il faut savoir qu'il y a des cours dans tous les cas dans la religion, c'est lourd. Quand tu vas traiter les règles de l'héritage par exemple, est-ce que tu crois que, mashallah, ta foi, elle va monter, elle va exploser? Ça, c'est des cours académiques où tu dois te concentrer, noter. C'est pour apprendre, savoir comment, ici, ne pas tomber dans l'erreur s'il y a une personne de ta famille qui meurt ou si ton père meurt. C'est des choses comme ça, d'accord? Contrairement à la biographie du prophète en général, il y a toujours la foi qui monte un peu. La vie du prophète, alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et comment dire le contraire alors que c'est la vie, l'histoire, la biographie de la meilleure des créatures sur la surface de la terre? Tu peux pas lire une meilleure histoire, une plus belle histoire que l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Amma dans la jurisprudence par exemple, ou dans l'aqida, quelquefois il y a des cours qui sont un peu lourds, et ça c'est tout à fait normal. Lakin, ça c'est des cours pour atteindre un certain degré de science. Ala kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle que quoi? Ici, César a une conversation. Il a eu une conversation après qu'il ait reçu cette lettre, avec ses disciples, les différents disciples qu'il avait. Il a lu la lettre, khlas, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon maintenant, je vais apprendre ou je veux savoir c'est qui Mohammed. Regardez, les gens, les gens doués de raison. Il ne s'est pas dit c'est pour qui il se prend. Khlas, je lui déclare la guerre, celui-là, c'est qui? C'est un illettré, c'est un arabe, je ne sais pas d'où il vient. Ou... Regardez, il savait ici qu'il fallait toujours savoir à qui tu as affaire. Il a demandé, c'est qui Mohammed? Qui connaît Mohammed d'entre vous le mieux? Qui vient de sa tribu? Qui le connaît? Et c'est qui a répondu? Oui, moi, Abu Sufyan, radiyallahu anhu arda, avant sa conversion à l'islam. Abu Sufyan, il a dit, moi je le connais. Donc à Qaïsar, il a dit à César, il a dit, moi je le connais. Il a dit, khlas, ta'ala, viens. Il a dit, je vais te poser des questions. Mais maintenant, tu me réponds aux questions. Tu me réponds aux questions, et ne me mens pas. Ah, il a dit, et ne me mens pas. Je reprends les paroles, ici, qui sont citées. Il dit, rapprochez-le de moi, c'est-à-dire Abu Sufyan. Rapprochez ses compagnons. Et mettez-le derrière lui. Ensuite, il lui dit au traducteur, dis-leur que je veux interroger le compagnon au sujet de ce prétendu prophète. Si cet homme venait à mentir, alors ses compagnons devraient m'informer de ce mensonge. Regardez, il a dit, Abu Sufyan, il vient, là qu'il vous mettez ses compagnons derrière. Mais si il ment Abu Sufyan, ses compagnons, regardez, il prend ici la sécurité, ses compagnons, ils doivent m'avertir qu'il a menti. Regardez qu'est-ce qu'il va répondre à Abu Sufyan. Abu Sufyan, à ce moment-là, il dit, par Allah, n'eût été la honte de me voir attribuer un mensonge, j'aurais menti devant les questions de l'empereur, affirma par la suite Abu Sufyan. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Sufyan? Il n'était pas encore musulman. Il a dit quoi? Par Allah, wallah, n'eût été la honte de me voir attribuer un mensonge, j'aurais menti devant les questions de l'empereur, affirma par la suite Abu Sufyan. Donc il a eu, pourquoi il n'a pas menti? Il a eu honte. Regardez. Al-ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Prenez al-ibra ici, la leçon d'ici. Ils disent, ils n'étaient pas musulmans. Ils avaient... Wallah, il y a des péchés, quelquefois on dit c'est grave. Mais il y a des péchés où il y a des comportements, quelquefois on dit même pas c'est grave. C'est plus que grave. Quand tu dis quoi? C'est honteux, c'est ib. Wallah, il y a des péchés, c'est ib, c'est honteux. Et ça dévalorise quelquefois plus la personne que si tu lui disais c'est grave. Et ça sensibilise plus la personne que si tu lui disais c'est grave. Wallah, quand tu dis à une personne, « Akhil Habib, tu te lèves pas pour faire salat al-fajr. » C'est grave, on le sait. Lakin wallahi al-adim. Une chose encore plus grave que le fait de dire c'est grave, ou encore plus importante plutôt que de dire c'est grave, on dit c'est ib, ib alayk ya akhi al-habib. Pourquoi c'est honteux? C'est la honte. Comment tu vois une personne qui se lève à 6h du matin sous la pluie ou sous la neige ou sous la grêle pour promener un kelb, hachakoum, un chien? Et il est content et il l'attend et son chien il le traîne, c'est le chien qui le promène, c'est pas lui qui promène le chien. Et le chien il l'attend juste pourquoi? A'azzakum Allah, pour faire ses besoins. Et toi on te dit lève-toi pour Allah. Oui mais Allah et tout, la barbe, l'ihya, qamis, machin. Wallah c'est honteux, comment on va dire c'est grave? On va dire c'est grave ou c'est honteux? C'est ib. C'est la honte, wallah, c'est la honte. Il se lève pour un chien, tu te lèves pas pour Allah. C'est honteux ou pas? Wallah, c'est honteux. Tu te lèves pas pour Allah, et lui, il se lève pour un kelb, un animal. Pas n'importe quel animal, un chien, wal'iyadu billah. Je suis pas en train de critiquer directement toutes les personnes qui se lèvent avec leur chien. Ala kulli hal, je suis en train de critiquer ceux qui se lèvent pas. Amma lui, il se lève pour son chien ou autre chose, c'est sa vie. Nous, on parle de ceux qui se lèvent pas pour salat as-subh, alors que ici, même al-mu'adhdhin, il est demandé de rajouter certaines paroles dans l'adhan, et il dit as-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Ça, c'est dans quoi al-sharia, la législation islamique, il est demandé au mu'adhdhin, contrairement à toutes les autres prières, de rajouter ces paroles deux fois, as-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Ici, une personne se lève pour promener son chien et toi tu restes dormir dans ton lit. Wal'iyadhu billah. Et c'est pour ça que souvent Allah subhanahu wa ta'ala, quand il compare les égarés, quand il compare les insouciants, il les compare à quoi dans le Coran al-Karim? À des animaux. Tout le temps. Al-baha'im, à des bestiaux, wal'iyadhu billah. Balhum adal, ulaika humul ghafilun, kama qala subhanahu wa ta'ala. Et il dit même plus que cela. Ils sont plus égarés encore. Balhum adal, ulaika humul ghafilun. Ce sont eux les insouciants. Quelqu'un qui se lève pas à salat as-subh, jamais. C'est un insouciant ou pas? Il est insouciant, c'est-à-dire, il ne prend pas conscience de ce qu'il attend au jour de la résurrection. Il ne prend pas vraiment conscience de ce qu'il attend dans la tombe. Il ne prend pas vraiment conscience des dégâts que ça va lui causer dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc il est inconscient. Donc il est insouciant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, belhum adal. Ces insouciants-là, ils sont plus égarés que quoi? Que le bahaim, que le hayawanat, que les animaux, que les bestiaux, al-iyadhu billah. Donc ici, on se remet en question, et c'est pour ça que regardez, ici Abu Soufyan, on parle juste de la honte, juste si on décompose chaque parole, juste de la honte, regardez quand il dit, ça aurait été une honte pour moi ici, de mentir. Je ne voulais pas, ici, m'attribuer un mensonge. Il aurait eu honte qu'on lui attribue un mensonge. Al-ulama, ils disent, regardez, ils n'avaient pas la religion, pour eux, mentir, c'était une honte. Nous maintenant, tu vois la religion, qala Allah, qala Rasul, masha Allah, al-izat wa yani an-nasa'ih jour et nuit, etc. Wallah, il ment aussi facilement que, subhanallah, que tu prends un ustensile ou quoi que ce soit, ou je sais pas, ou t'enlèves un vêtement. C'est adi pour lui, c'est facile pour lui. Il ment. Alors qu'on sait que shahadat al-zur ici, le faux témoignage, c'est quoi? Ça fait partie de quoi? Al-kaba'ir. Et dans une version, ça vient directement après quoi? الشرك بالله عز وجل الكبائر أيها الأحباب les grands péchés. C'est tous les péchés qui ont été cités dans le Coran ou la Sunna, accompagnés de quoi? Ici, une menace venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire une menace très dure qui t'attend, ya Abdallah, une menace. Allah subhanahu wa ta'ala, il te menace, si tu fais ça, tu vas avoir ça, ça fait partie de le kabair. Et maintenant, on entend les musulmanes qui mentent et qui font des faux témoignages jour et nuit, alors que eux, ils n'avaient pas la religion et ils disaient, c'était une honte pour moi. Ça aurait été une honte pour moi de me voir attribuer un mensonge. Où sommes-nous par rapport à quoi? La fierté, à la parole, à ici le courage qu'avaient les Arabes alors qu'ils n'avaient même pas l'islam. Qu'avaient les Arabes alors qu'ils n'avaient même pas l'islam. Wa qala alayhi salatu wassalam, khayruhum fil jahiliya, khayruhum fid din. Les meilleurs d'entre eux dans al-jahiliya, c'est-à-dire le paganisme, seront les meilleurs dans quoi? Dans la religion. Non, les meilleurs dans le paganisme, ce seront les meilleurs dans la religion. Al-ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce sont les personnes qui avaient, avant qu'ils embrassent l'islam, des qualités. Et ces qualités-là, ils les utilisaient dans l'illicite, comme une personne qui avait du courage. Est-ce que c'est une qualité ou pas? Naam, mais si tu l'utilises dans l'illicite, est-ce que c'est une chose louable ou pas? C'est une chose blâmable. Une personne qui a, par exemple, l'intelligence, mais cette intelligence, il l'utilise dans le haram. Il est intelligent, c'est une qualité, mais il l'utilise dans le haram. Ici, pour trouver des choses, ici, qui vont pousser les musulmans à s'égarer, par exemple. Une personne qui a de la force, c'est une qualité, mais il l'utilise dans le haram. Une personne qui a une beauté, mais il l'utilise dans le haram. Mais le prophète Arisam a dit, « Khayruhum fil jahiliya, khayruhum fil din » à partir du moment où ils auront compris. Al-fiqh, regardez le prophète, à partir du moment où ils auront compris cette religion. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans l'illicite, ils étaient égarés avec des qualités. Mais ces qualités, ils les utilisaient dans le haram. Quand ils ont appris la religion, ils ont compris cette religion, ils ont pris ces qualités-là et ils les ont mis au service de l'islam. Il avait de l'argent dans le haram. Il utilisait cet argent pour faire des choses quoi? Illicites. Forniquer, acheter de la drogue, acheter. Et il était très généreux, mais dans le haram, il dépensait. Quand il rentre dans la religion, il garde cette qualité. C'est-à-dire, il a de l'argent, il est toujours généreux. Mais il l'utilise dans quoi? Dans le halal. Et en général, ceux qui étaient généreux dans le haram, ils sont généreux dans le halal. C'est vrai ou pas? Ceux qui étaient des pinces dans le haram, c'est pire dans la religion. C'est vrai ou pas? Ceux qui avaient zéro courage dans le haram, quand ils rentrent dans la religion, ils ont du courage ou pas? Rien du tout. Ceux qui étaient très débrouillards dans le haram, quand ils rentrent dans la religion, ils sont débrouillards ou pas? Ils sont débrouillards. Ceux qui étaient, yani, ils arrivaient facilement à endormir les gens, ou alors ils avaient de l'influence, ou ils étaient des leaders dans le haram, en général, quand ils rentrent dans la religion, c'est la même chose. Wahakada. Le prophète, il a dit à 14 siècles, khayruhum fil jahiliya, khayruhum fil din, les meilleurs d'entre eux dans le paganisme, ça sera les meilleurs dans la religion, à partir du moment qu'ils auront compris cette religion. Ah, parce qu'il y a des gens, wallah, ils étaient généreux dans le haram, ils rentrent dans la religion, c'est devenu des pinces. On dit, est-ce que c'est en contradiction avec le hadith? Non, parce que le prophète, il a dit, quand ils auront compris la religion. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas compris. Mais quand ils vont comprendre, c'est-à-dire, ils vont voir ici la valeur de donner des sadaqat, ils vont prendre conscience, wallah, ils vont reprendre ces qualités qu'ils utilisent dans le haram pour les mettre dans fi sabilillahi azza wa jalla. Voilà le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit il y a 14 siècles. Ala kulli hal, on revient ici dans la lettre, on la termine rapidement, inshallah ta'ala. Donc, ils avaient honte de mentir. La première question, awal su'al, la première des questions. Donc, ici, Qaysar qui a posé à Abu Sufyan, radiyallahu anhu arda. Quelle appréciation faites-vous de sa généalogie? Donc, son lignage, sa famille, qu'est-ce que vous dites? Parce que, regardez, il a posé des questions pour savoir est-ce que ce Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim, c'était un menteur ou c'était la vérité. Parce qu'il a trouvé étonnant. Pourquoi? Il s'est dit, comment celui-là? Il sait, il connaît ma notoriété, il connaît ma force. Et lui, il m'envoie une lettre, en 4-5 phrases, il me dit, écoute, c'est moi l'envoyé d'Allah, repends-toi, car tu es un égaré, tu dois adorer Allah, unique, sans rien lui associer, je t'invite à l'islam. Subhanallah, c'est qui lui? Et en plus, il entend que ici, il a de l'influence comme. Donc, il dit, je vais m'assurer. Qui c'est? Est-ce que c'est un mythomane? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce que... Donc, regardez, il se précipite pas. Il porte pas de jugement directement. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte dans le Coran al-Karim. Et il dit, si il y a un fasiq, un pervers, qu'il vous apporte une information, fatabayyanu, voyez bien clair. D'accord? Par crainte de regretter après que vous ayez porté, par exemple, vous avez porté un faux jugement. D'accord? Tu vas te précipiter dans un jugement. Donc, Allah Azza wa Jalla te dit, fatabayyanu. Nous, maintenant, on délaisse ces versets coraniques. Quand on nous apporte une information, on croit. Alors que le prophète nous dit, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a, il suffit à la personne d'être un menteur que de répéter tout ce qu'il entend. Nous, on a toutes ces exhortations et dès qu'on nous dit une chose sur, t'as pas entendu? Ma smahtesh ala fulan. هذا دار دار دار سبحان الله عجيب الله يحفظ الله يهديه مسكين. Tu regardes même plus, tu vérifies même plus. Alors que lui, kafir, le prophète, il l'invite à l'islam et il a des richesses, il a de la force. Il dit, attends, je vais vérifier. Regardez les personnes très intelligentes. Il lui dit, khlas, pose tes questions. Première question, qu'est-ce que tu connais de son lignage, de sa famille? Abu Sufyan, il dit, son lignage est noble. Son lignage est noble. Deuxième question. Quelqu'un parmi vous a-t-il ou n'a-t-il jamais tenu de tels propos, le fait de se prétendre prophète? Il lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà d'entre vous qui s'est déjà prétendu être prophète dans votre peuple? Et qu'est-ce qu'il a dit? Jamais. Ah, il a dit deuxième indice. Donc ça veut dire qu'il est une famille noble. Il sait que les prophètes viennent des familles nobles. Ils disent, il n'y a que lui qui prétend être un prophète. D'accord, il dit, il n'y a que lui. Troisième question. Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tienne un tel discours? Avant qu'il dise, il vous invite à l'islam. Est-ce qu'il était réputé pour être un menteur? Est-ce qu'il avait déjà menti? Il a dit, on n'a jamais entendu de mensonge de sa part. Il n'a jamais menti. Menti, khlas. Y a-t-il des rois dans sa descendance? Dans sa descendance, il y a des rois? Il a dit, il n'y a aucun roi. Khlas, il continue. Ceux qui le suivent, sont-ils des nobles ou le bas peuple? Ceux qui le suivent, le prophète, al-Islam, c'est des riches, c'est des nobles ou c'est le bas peuple? Al-Masakin, al-Fukhara, etc. Il a dit, non, ce sont que le bas peuple. D'accord? C'est... La majeure partie des gens, c'est le bas peuple. Et regardez le prophète dans Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il secourt. Yansur hadha ad-din, il secourt cette religion. Avec qui? Par la cause des faibles. Par les faibles d'entre vous. Les faibles d'entre vous. Et ici, ce hadith, il est cité dans Riyad al-Salihin, et l'imam, al-Sheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin wa ghayruhu, des autres gens de science, qu'est-ce qu'ils disent concernant ce hadith? Ça veut dire quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera de secourir cette religion tant que les musulmans ne cessent de secourir les pauvres. Allah azza wa jal, le prophète Asim dit, Allah, il secourt, yansur hadha din, il secourt cette religion avec qui? Avec les faibles. Avec les faibles, ad-du'afa, les faibles. Les ulama, ils ont dit, c'est quoi? Ça veut dire, comment ça? Ils sont faibles et par la cause de ces faibles, Allah azza wa jal, Allah, il te rappelle que quoi? Ici, Allah, il veut que tu fasses les causes. Mais le secours, c'est pas ici le fait que tu es fort, qu'Allah va te donner le secours. Soit c'est qu'une cause et l'effet qui est mis dans la cause, c'est qui? Allah qui le met cet effet-là. Donc Allah, il te dit, c'est par la cause des faibles. C'est-à-dire, tant que tu viens au secours des faibles, tu les assistes, tu les aides, tu les aounes, tu les aides, tu les soutiens, tu leur donnes de l'aumône, tu leur donnes de l'argent, tu es avec eux, tu les haggar pas, comme on dit dans Darija ici, c'est-à-dire tu les négliges pas, tu te sens pas supérieur à eux, celui-là il vaut rien, je lui fais pas de da'wa, un mal riche, ah celui-là il m'importe. Non, tant que tu donnes l'importance aux faibles de la communauté, par cette cause-là, Allah il va secourir cette religion. Regardez la beauté de la religion de l'islam. Ala kulli hal, il dit, est-ce que ceux qui le suivent c'est les notables ou c'est les bas du peuple? Il dit non, ce n'est que les gens qui sont bas parmi le peuple. Il dit, ces gens augmentent-ils en nombre ou régressent-ils? Il dit, ils ne font qu'augmenter. Il dit clair, on continue. Y en a-t-il qui apostasient par aversion après avoir embrassé l'islam ou non? Est-ce que ici il y a des gens qui délaissent la religion après qu'ils ont embrassé l'islam ou non? Il dit personne. Ils embrassent l'islam, tout le monde reste. Au contraire, les gens rentrent dans l'islam. Alhamdulillah. Il dit non. Il continue. Il dit, lui arrive-t-il de trahir? Est-ce qu'il lui arrive de trahir? Il dit non. Mais regardez Al-Adl, regardez l'équité Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il dit toutefois nous avons conclu une trêve avec lui et nous ne connaissons pas ses intentions. On connaît pas ses intentions. Il dit par contre on a fait une trêve avec lui. Sulh al-Hudaybiyah. Il dit maintenant on sait pas ses intentions. Donc peut-être est-ce qu'il veut trahir ou pas, on sait pas. Mais en tout cas il n'a jamais trahi ici. Il dit d'accord, c'est la seule réponse où je peux trouver à redire, dit Abu Sufyan, mais avez-vous été en guerre avec lui? Ou plutôt Héraclius a dit ça. Et il dit, mais est-ce que vous avez déjà été en guerre avec lui? Il dit oui. Quel a été l'aboutissement de ces combats livrés? Il dit, tantôt on gagnait, tantôt on perdait. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Regardez, même le prophète عليه الصلاة والسلام. خذ هذه العبرة وهذه الفائدة. Regarde, le prophète lui-même, الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, qui avait le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, رضي الله عنهم ورضوا عنه, ذلك لمن خشي ربه. Ils ont agréé Allah, Allah les a agréés. Est-ce qu'ils gagnaient toutes les batailles? Quelquefois ils gagnaient, quelquefois ils perdaient. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Et c'est ainsi qu'on fait l'alternance des jours ici. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des jours bons, des jours mauvais. Sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il a décidé comme ça, il a décrété les choses comme ça. C'est ici une loi établie par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut que quelquefois tu sois heureux, quelquefois tu sois triste. Quelquefois tu gagnes, quelquefois tu perds. Quelquefois tu gagnes de l'argent, quelquefois tu perds de l'argent. Quelquefois tu te réjouis, quelquefois tu t'attristes. C'est comme ça. Amma, si tu crois qu'il y a une personne sur la surface de la terre, que depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, il a toujours souri, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Allah, il fait comme ça les choses. Donc ici, ça te remonte le moral et te dit pas dès que tu as une défaite dans ta vie, ou alors que tu as un point négatif dans ta vie, ou alors il t'est arrivé une chose, même si c'est toi qui a causé cette chose-là, et il t'est arrivé un malheur. Ici, ne baisse pas les bras, dis-toi que, alhamdulillah, aujourd'hui un malheur, demain, bi'idnillah, azza wa jalla, un bonheur. Ne baisse pas les bras et avance. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah a fait que le prophète, quelquefois, il a gagné, quelquefois, il a perdu. Ça ne veut pas dire que tu perds une bataille, que ça y est. Ici, quand je dis bataille, c'est pas dans bataille, dans le front, mais une bataille dans ta vie. Par exemple, tu t'es marié, tu divorces. Ou alors, par exemple, tu as eu des enfants, tu les as éduqués. Il y a un enfant qui n'a pas été éduqué dans l'islam. Tu as perdu cette bataille, ce combat que tu as livré pour éduquer ton enfant. Ou alors, par exemple, tu as fait un commerce et ton commerce n'a pas proliféré, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi. Ça y est, tu vas baisser les bras et tu vas dire, moi, il m'arrive que des malheurs. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a fait les choses comme ça. Ala kulli hal, il dit, quelquefois on gagnait, quelquefois on perdait. Que vous ordonne-t-il de faire? Abu Sufyan, il dit, il nous ordonne de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jal seul, sans rien lui associer, de délaisser le culte de nos ancêtres, de faire la prière, de verser az-zakat l'aumône, d'être sincère, al-ikhlas lillahi azza wa jal, d'être chaste et de garder les liens avec la famille. Voilà ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Quand des gens ils disent oui, l'islam, dis-leur écoutez, nous l'islam, si vous critiquez l'islam, vous voulez savoir c'est quoi l'islam? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de respecter les liens de parenté. Il nous ordonne de faire la prière. il nous ordonne d'avoir un bon comportement. Et pourquoi pas, alors que le prophète alayhi salam dit, il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que quoi? Husnul khuluq, les bonnes moralités. Le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que son seigneur tabaraka wa ta'ala, nous a ordonné de respecter même le chien, le chat, les animaux. Le prophète nous a ordonné de respecter les musulmans, les non-musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur épouse. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, voilà les paroles qu'on doit apporter aux non-musulmans. C'est ça l'islam que vous condamnez? Oui, mais vous êtes trop dur. Oui, on est trop dur. On interdit l'alcool, on interdit la cigarette, on interdit la consommation des drogues. Allez voir les statistiques et vous allez voir que la drogue, ou ne serait-ce que l'alcool, la cigarette que vous rendez licite et permis, même à des jeunes, on fait des millions et des millions et des millions de morts. Et vous, vous dites que nous, on est des terroristes? Ou c'est vous les terroristes qui tuez des gens indirectement en cautionnant ces actes qui sont interdits en islam? Nous, on respecte l'âme qu'Allah Azza wa Jal a rendue sacrée. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Celui-là que vous traitez de terroriste, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il y a une janaza qui est passée à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, et c'était un yahoudi, c'était un juif. Le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Et ils ont dit, ya Rasulallah, c'est un juif, c'est un juif. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, est-ce que c'est pas une âme qu'Allah Azza wa Jal a créé? Ça, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Regardez le comportement du prophète et regardez les paroles qu'on doit apporter aux non-musulmans pour leur rappeler c'est quoi? C'est quoi cette religion de l'islam? Voilà ce que l'islam ici nous a enjoint. Ça, c'est l'islam et ça, c'est la vraie face des musulmans, et ce n'est pas la face cachée des musulmans. Et on doit être fier d'être musulman, montrer l'islam de la meilleure des façons, montrer la vraie face de l'islam et des musulmans avec le meilleur des comportements. Et à travers ce comportement, wallahi al-azim, comme ils disent al-ulama, ici quelquefois, ad-da'watu, la prédication, l'appel à Allah Azza wa Jal avec le comportement, c'est plus bénéfique dans certains cas et dans beaucoup de cas que la da'wa avec la parole. Combien de gens ont embrassé l'islam qu'avec le comportement des musulmans? Et combien de gens ont eu un dégoût de l'islam qu'avec le comportement des musulmans? Le comportement, sans parler. Peut-être toi tu vas avoir un bon comportement. Tu vas aller dans la rue, tu vas voir un chat qui ici est en train de mourir de faim par exemple, ou un chien à titre d'exemple. Tu vas avoir cette pitié. Et Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa ar-rahim. Et il aime ceux qui sont miséricordieux ou cléments envers même les animaux. Tu vas et tu prends un peu de lait et tu donnes à ce chat et tu respectes ce chat-là, cet animal-là. Wallahi, juste avec ce comportement, peut-être un non-musulman va te voir et va embrasser l'islam. Le fait de sourire à un non-musulman, de parler avec lui avec gentillesse, peut-être il va être attiré par cette religion. Avec quoi? Avec ta science, des tonnes de science. Ah ben donne le comportement. Comme toi, tu peux avoir des tonnes de science, mais avoir un comportement zéro, tu peux faire fuir les non-musulmans et les musulmans aussi. Les non-musulmans et les musulmans aussi. Donc à nous deux, se remettre en question. Voilà ce que Abu Sufyan a dit. Voilà ce que le prophète alayhi salatu wassalam a nous a recommandé de faire. Ensuite, il continue et il dit, dis-lui que je l'ai interrogé au sujet de son lignage et il a répondu qu'il est noble. Il en est de même du lignage des messagers au sein de leur peuple. Je lui ai demandé si quelqu'un avant lui avait eu la même prétention et il m'a répondu que non, car si quelqu'un avant lui avait eu la même prétention, j'aurais pu croire qu'il ne veuille que renouveler ce qu'un autre a déjà accompli. Je lui ai demandé s'il y avait des rois dans sa descendance. Il m'a répondu que non. Je me suis dit, s'il y avait un roi dans sa descendance, je pourrais penser qu'il recherche ou qu'il cherche à reconquérir le trône de son père. Il continue. Je lui ai demandé s'il le traitait de menteur. Avant qu'il n'ait eu à se présenter comme prophète, il m'a répondu que non. Tout ce récit dans Sahih Bukhari, je vous le lis simplement. Or, j'ai compris par là que s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait à plus forte raison mentir à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il continue, il dit, je lui ai demandé si ce sont les nobles qui le suivent ou le bas peuple, et il répondit, le bas peuple. Or, ce sont ceux-là même qui suivent toujours les messagers, c'est-à-dire les faibles. Et le prophète, il l'a dit, il y a 14 siècles, Allah il va secourir cette religion par là, par les faibles d'entre vous. Il continue, je lui ai demandé si ceux qui le suivent augmentent en nombre ou régressent. Il m'a répondu qu'ils progressent. Or, c'est bien cela le propre de la foi qui est de croître jusqu'à atteindre la complétude. Je lui ai demandé s'il y en a qui apostasient par aversion parmi ses disciples. Il m'a répondu que non. Or, c'est bien ainsi qu'il en est de la foi lorsque sa douce saveur rencontre el-qouloub, les cœurs. Je lui ai demandé s'il trahissait. Il m'a répondu que non. Or, tel est le comportement des messagers et même des croyants. Ils ne trahissent pas. Tel est le comportement ici des messagers. Ils ne trahissent jamais. Je lui ai demandé s'ils se sont combattus. Il m'a répondu que oui et que le combat entre vous avait eu des alternatives, tantôt à son avantage, tantôt à leur. Et il en est ainsi des prophètes. Ils subissent des épreuves, mais la réussite et le succès final leur reviennent. Je lui ai demandé ce qu'il leur ordonne. Il m'a répondu, il leur donne simplement il ordonne simplement d'adorer Allah, sans rien lui associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'abstenir d'adorer les idoles, de prier as-salah, de cultiver la sincérité, al-ikhlas, la chasteté. Précise-lui que si tout ce que tu as dit est vrai, il se mettra à l'endroit sur lequel présentement foule mes pieds. Qaysar, il a dit, si tout ça c'est vrai, dis-lui bien que l'endroit où je suis, lui, Mohammed alayhi salatu wassalam, il va venir ici, il va fouler, et ici, il va mettre ses pieds dans cet endroit-là. Regardez, il a reconnu. Il a reconnu quoi? Il a reconnu quoi? Il a reconnu le haq. Et ça suffit pas de reconnaître le haq. Ça suffit ou pas? Ad-Dalil. Lui, il a reconnu la vérité ou pas? Il a reconnu la vérité. Est-ce qu'il est musulman? Pourquoi? Il s'est pas soumis à cette vérité. Ah. Grave ça dans ton cerveau et grave ça dans ton cœur. Il a reconnu la vérité. Il l'a dit. Dis-lui si ce qu'il a dit est vrai. Je sais très bien, certainement qu'il va fouler, que ses pieds vont fouler ce sol-là. Mais est-ce qu'il s'est soumis à la vérité? C'est-à-dire, il a accepté la vérité. Al-qaboul, qaboul, al-haq. L'acceptation de la vérité. C'est-à-dire, il se soumet à cette vérité. Je reconnais, je me soumets. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Et que Mohammed alayhi salatu wassalam est son envoyé. Non. Ah, il s'est pas soumis. Mais il a reconnu. Ça suffit pas. Quelqu'un, il va te dire, akhil habib, ittaqillah, il va reconnaître la vérité. Il va dire, je reconnais. Mais, il n'accepte pas sa vérité à tel point, ou cette vérité à tel point que quoi? Il s'y soumet. Il se réforme. C'est-à-dire, il se corrige. Il répare ses erreurs. Il se soumet à cette vérité. Wallah, il a dit que cette vérité qu'il a reconnue, elle lui servira à rien. Bien plus que cela, ça sera une hujja alayhi yawm al-qiyama. Ça sera un argument contre lui au jour de la résurrection. Ça sera pas un jahil, il sera pas ignorant. Il sait, je sais que c'est le haq, mais je me plie pas le haq. C'est quoi ça, wal-iyadu billah? Hada min sifati al-mutakabbirin wal-iyadu billah. Bataru al-haq wa ghamtu al-nas. Ne pas reconnaître la vérité, c'est-à-dire, même si tu la reconnais, mais tu t'y soumets pas. Tu reconnais quand quelqu'un te donne une nasiha que c'est vrai, et tu te soumets. Dis, bah ouais, je sais, mais bref, laisse-moi. Non, je sais, hafidhakallah, barakallahu fik, et tu te soumets, et tu répares ton erreur. Là, cette vérité, ou le fait que tu as accepté cette vérité, ça te sera profitable. Retiens cette ibra, cette leçon, et prends cette faïda de l'histoire de quoi? Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, où cette personne, cet empereur, qui était rempli d'orgueil, et rempli de notoriété, et rempli de force, et d'argent. Peut-être toi tu n'as ni notoriété, ni argent, ni force, et tu réagis même pas comme lui. Lui il a reconnu, mais il s'est pas soumis. Il y a des gens, ils ne reconnaissent même pas al-haq. Comment tu veux qu'ils se soumettent à la vérité subhanahu wa ta'ala? À la vérité d'Allah azza wa jalla. La vérité qui est un combat à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est une erreur de la plupart des gens qui ne comprennent pas vraiment la définition de quoi se soumettre à la vérité al-haq. On continue. Il ne s'est pas reconverti à l'islam. Mais ici, le fait qu'il ne s'est pas soumis, il est resté infidèle. Donc, il dit, je savais qu'un prophète allait apparaître, mais je n'imaginais pas qu'il viendrait de vous. Ah, c'est grave là. Il a dit quoi? Je savais qu'un prophète allait apparaître, mais je ne savais pas qu'il allait... Donc, il reconnaît que c'est un prophète. Khalas, est-ce qu'il est musulman? Il a reconnu. Mais est-ce qu'il a accepté avec son cœur? Est-ce qu'il s'est soumis à Allah Azza wa Jal? Al-istislam lillahi Azza wa Jal. Fala wa rabbika la yu'minun. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Mimma qadayt wa yusallimu taslima. Ah, Allah il a dit. Dans le Coran al-Karim, il parle au prophète alayhi salatu wassalam. Ça suffit pas de dire, je reconnais que c'est un prophète. Plein ont reconnu que le prophète était un prophète. Mais est-ce qu'on dit qu'ils sont musulmans? Non. Tant qu'ils se sont pas soumis à cette vérité et qu'ils disent pas, j'atteste qu'Allah est unique et que Muhammad est son envoyé et qu'ils se soumettent à tous les commandements du prophète alayhi salatu wassalam. Wala yajidu haraja mimma qadi wa yusallimu taslima. C'est-à-dire que Allah, il rappelle qu'ils ne seront pas véritables croyants que lorsqu'ils t'auront pris, toi Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme juge avec une traduction approximative, concernant tous leurs problèmes et leurs litiges, et qu'ils se seront pas soumis ici totalement. Et en plus de cela, ces gens-là doivent quoi? Non seulement, comme Allah dit dans le Coran al-Karim, prendre le prophète alayhi salatu wassalam comme juge. Il est mort, il y a sa sunna. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin, comme a dit alayhi salatu wassalam. Ici, à sa sunna, mais il faut que tu ne ressentes aucune gêne. Tu l'acceptes et tu te tais. si tu vois que tu es un djinn, laisse-la mourir en toi, mais tu la reconnais. Al-haq, c'est al-haq, ya akhi al-habib. Ils ont dit à Omar ibn al-Khattab, ittaqillah, il a dit, wallahi, par Allah, il n'y aura pas, la khayra fiikum, il n'y a pas de bien en vous, tant que vous quoi? Tant que vous délaissez cette parole. Tant que vous ne cesserez, ou plutôt tant que vous dites cette parole, il y aura du bien en vous. Et il n'y aura pas de bien en nous si on n'accepte pas cette parole. Et il n'y a pas de bien en vous tant que, si vous délaissez cette parole, ittaqillah, Omar ibn al-Khattab, amir al-mu'minin, et nous maintenant tu dis ittaqillah, pour que tu te prends toi. Ça c'est Omar ibn al-Khattab, mais il faut que cette nasiha soit fondée. Ala kitabillahi wa sunnati rasulillah wa laysa ala al-hawa. Ah, c'est que cette nasiha elle est fondée sur le Coran, al-Karim et la sunna. C'est pas sur l'hawa. Je pense que hada il est égaré. Masha'Allah. Tfaddali akhi al-habib, j'ai une nasiha. Ittaqillah. Allahumma ja'alni min al-muttaqin. Tu as fait une erreur, c'est quoi? Et il parle sans ilm. Tu as dit dans une khutbah une chose qui m'a pas plu. Masha'Allah, barakallahu fik. Tfaddali akhi al-habib. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé. Wallah, masha'Allah. Je sais pas, ça m'a pas plu. Je trouve pas que c'est bien de dire ça. C'est ça ta nasiha, ya akhi al-habib. Ya akhi al-jahil. Va apprendre ta religion et viens me parler. C'est quoi ces nasiha? Dis-moi, ya akhi al-habib, tu as dit des choses ici qui sont pas fondées. Tu as fait des erreurs. Tu as cité le nom d'une personne, ça se fait pas dans l'islam. Tu as, jazakallahu khair, inshallah ta'ala, la prochaine fois j'essaierai de faire, yani de corriger ces erreurs-là, barakallahu fi. Ah, mais j'aime pas trop. C'est quoi tes preuves? Y a pas de preuves. Ou là, je pense, je crois, je vois, ça se dit pas, j'ai entendu, je vois, les gens ils font pas. C'est quoi ça cette science? C'est quoi cette nasiha? Une nasiha, il faut qu'elle soit fondée sur le kitab, wa sunna bi fahmi salafi l'umma. D'accord? Et pour donner des conseils, ici, qui vont être fondés, et qui vont être enrichissants pour la personne, il faut avoir al-ikhlas lillahi azza wa jalla, la sincérité, c'est-à-dire tu l'aimes ce frère en Allah, c'est pas pour le rabaisser, c'est pour son bien. Après il accepte pas. Moi tu me donnes un conseil, j'accepte pas. Khoya wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Quand ils rencontrent des ignorants, ils disent salam. Mais toi tu dois avoir la sincérité quand tu dis cette nasiha, c'est avoir le souci de d'éloigner ce frère-là ici de l'égarement, et tu lui dis en tête à tête avant tout, et tu lui dis avec gentillesse, ici avec adab, avec ihtiram, avec politesse. Et il faut que ça soit fondé sur le Coran et la Sunna. Khlas. C'est ça les conditions, ya akhi al-habib. Ah, moi, celui qui n'accepte pas ce genre de conseil, il est égaré. Ala kulli hal, je termine ici. Je savais qu'un prophète allait paraître, mais je n'imaginais pas qu'il viendrait à vous. Quant à moi, s'il m'était possible de l'approcher, je ferais tout pour le rencontrer. Et si j'étais auprès de lui, je lui laverais même ses pieds. Rapporté par Al-Bukhari. Il dit, si j'étais à côté de lui, je l'aurais lavé les pieds au prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il s'est converti à l'islam? Ça suffit pas de dire, oui, il est bien, je sais que c'est la vérité, c'est bien. C'est bien, soumets-toi. Tu te soumets pas, t'es un égaré. Je sais que un tel est dans le haq, wallah, je sais, mais bref, moi, je... Ça, tu suis quoi, là? Si tu suis pas les passions, dis-moi quel personnage, yani, imaginaire, t'es en train de suivre. Je connais que deux choses. Soit ce personnage qui s'appelle Al-Hawa, ou bien l'autre personnage qui s'appelle Al-Shahawat, ou bien le troisième qui s'appelle Al-Shubuhat, ou bien le quatrième qui s'appelle Al-Haq. Il n'y a pas d'autre personnage. Soit tu suis ici tes plaisirs, soit tu suis tes passions, soit tu suis les ambiguïtés, ou soit tu suis la vérité, ya akhi al-habib. Ne me dis pas, moi je peux pas. Soit tu suis pas la vérité, tu suis un des trois personnages si tu veux. Donc ici, à nous de nous remettre en question. Il termine sur ces mots, il se fit apporter la lettre au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et l'a lu toutes les fois, ou toutefois, dès qu'il eut fini, les voix s'élevèrent de le bavardage, alla en bon train, ensuite il donna au Quraishit l'ordre de se retirer. À sa sortie, Abu Sufyan dit à ses compagnons, l'affaire ici de cette personne, poussée en cela par une volonté d'ignorer, ici, à son égard, devient une conversion, je sais ça, c'est un message d'Allah, ça me finirait pas très en fait jusqu'au jour 20, parce que c'est un peu long, khlas. Ala kulli hal. Ici, le prophète alayhi salam, il rappelle que cette personne-là, il n'a pas voulu embrasser l'islam. Et il a eu la pression de qui? Il a eu la pression de tous ces notables et toutes les personnes qui étaient là. Donc ici, à cause de cette pression, à cause de cet orgueil, à cause du manque de soumission quant à la vérité, il n'a pas voulu ici se convertir à l'islam. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam, sa da'wa n'a pas arrêté. Il a continué à prêcher ici l'islam et à envoyer d'autres lettres. Il a envoyé une lettre à Kisra. Et c'est cette personne-là qui a envoyé deux émissaires au prophète alayhi salatu wassalam. C'est cette même personne, Kisra, qui a déchiré la lettre du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète a dit qu'Allah, il déchire son règne et Kisra, s'est vu déchirer son règne, comme on va le voir inshallah ta'ala. Il a envoyé d'autres lettres, comme An-Najashi, qui est dans Ard al-Habasha, le Négus ici, pas celui qui s'est converti à l'islam, mais l'autre qui est venu après. Et la majorité, ils ont refusé, mais le prophète alayhi salatu wa sallam, alhamdulillah, il a continué sa da'wa. On va parler ici de ces lettres-là, le prochain cours. Je pensais qu'on allait avancer plus, mais khair, inshallah tabaraka wa ta'ala. Donc, ensuite, on va arriver à quoi? Umratul Qada. Ils vont faire l'Umra. Ici, l'année d'après, après Sulh al-Hudaybiyah, parce qu'il leur avait interdit de faire l'Umra, ils vont revenir pour faire l'Umra en faisant al-Talbiyah pendant 3 jours. Bilal va montrer sur la Kaaba et il va faire al-Adhan bi-idnillahi azza wa jal. Après ça, il y aura Ghazwatu Mu'ta, cette bataille, inshallah ta'ala, où il y a Abdullah ibn Rawaha, rahimahullah ta'ala, ce grand guerrier, ce grand compagnon, ce grand poète qui disait des vers qui étaient conformes à la législation islamique pour motiver les savants, qui est mort. On va voir tout ça la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Et après Al-Adhan, on répond à quelques questions. Samhouli, moi je voulais laisser du temps pour les questions, pour les frais sur internet. Après Al-Adhan, je réponds à quelques questions et on termine là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.